Il s'agit du courage d'une jeune fille qui, vers la fin du règne de Paul Ier, partit à pied de la Sibérie pour venir à Saint-Pétersbourg demander la grâce de son père. On ne lira peut-être pas sans quelque plaisir à la simple histoire de sa vie, assez intéressante par elle-même, sans autre ornement que la vérité. Praskovie Lopoulov était son nom. Son père, d'une famille noble d'Ukraine, naquit en Hongrie, où le hasard des circonstances avait conduit ses parents, et servit quelque temps dans les hussards noirs. Mais il ne tarda pas à les quitter pour venir en Russie, où il se maria. Il reprit ensuite dans sa patrie la carrière des armes, servit longtemps dans les troupes russes et fit plusieurs campagnes contre les Turcs. Il s'était trouvé aux assauts d'Ismaël et d'Okhtchakov, et il avait mérité par sa conduite l'estime de son corps. On ignore la cause de son exil en Sibérie, son procès ainsi que la révision qu'on en fit dans la suite ayant été tenu secret. Quelques personnes ont cependant prétendu qu'il avait été mis en jugement par la malveillance d'un chef, pour cause d'insubordination. Quoi qu'il en soit, à l'époque du voyage de sa fille, il était depuis 14 ans en Sibérie, relégué à Ichim, village près des frontières du gouvernement de Tobolsk, vivant avec sa famille de la modique rétribution de 10 kopecks par jour, assignée aux prisonniers qui ne sont pas condamnés aux travaux publics. La jeune Praskovie contribuait par son travail à la subsistance de ses parents, en aidant les blanchisseuses du village ou les moissonneurs, et en prenant part à tous les ouvrages de la campagne dont ses forces lui permettaient de s'occuper. Elle rapportait du blé, des œufs ou quelques légumes en paiement. Arrivée en Sibérie dans son enfance et n'ayant aucune idée d'un meilleur sort, elle se livrait avec joie à ses pénibles travaux, qu'elle avait bien de la peine à supporter. Ses mains délicates semblaient avoir été formées pour d'autres occupations. Sa mère, tout entière aux soins du pauvre ménage, semblait prendre en patience sa déplorable situation. Mais son père, accoutumé dès sa première jeunesse à la vie active des armées, ne pouvait se résigner à son sort, et s'abandonnait souvent à des accès de désespoir que l'excès même du malheur ne saurait justifier. Quoiqu'il évitât de laisser voir à Praskovie les chagrins qui le dévoraient, elle avait été plus d'une fois témoin de ses larmes à travers les fentes d'une cloison qui séparait sans réduit de la chambre de ses parents. Et elle commençait depuis quelque temps à réfléchir sur leur cruelle destinée. Lopoulov avait adressé depuis plusieurs mois une supplique au gouverneur de la Sibérie, qui n'avait jamais répondu à ses demandes précédentes. Un officier passant par Ichim pour des affaires de service s'était chargé de la dépêche et lui avait promis d'appuyer ses réclamations auprès du gouverneur. Le malheureux exilé en avait conçu quelque espoir, mais on ne lui fit pas plus de réponse qu'auparavant. Chaque voyageur, chaque courrier venant de Tobolsk, événement bien rare, ajoutait le tourment de l'espérance déçue aux maux dont il était accablé. Dans un de ces tristes moments, la jeune fille, revenant de la moisson, trouva sa mère baignée de larmes et fut effrayée de la pâleur et des sombres regards de son père, qui se livrait à tout le délire de la douleur. « Voilà, s'écria-t-il lorsqu'il la vit paraître, le plus cruel de tous nos malheurs. Voilà l'enfant que Dieu m'a donné, afin que je souffre doublement de ses maux et des miens, afin que je la voie dépérir lentement sous mes yeux, épuisée par de serviles travaux, et que le titre de père, qui fait le bonheur de tous les hommes, soit pour moi seul le dernier terme de la douleur. » Praskovie, épouvantée, se jeta dans ses bras. La mère et la fille parvinrent à le tranquilliser, en mêlant leurs larmes aux siennes. Mais cette scène fit la plus grande impression sur l'esprit de la jeune fille. Pour la première fois, ses parents avaient ouvertement parlé devant elle de leur situation désespérée. Pour la première fois, elle put se former une idée de tout le malheur de sa famille. Ce fut à cette époque, et dans sa 15e année de son âge, que la première idée d'aller à Saint-Pétersbourg demander la grâce de son père lui vint à l'esprit. Elle racontait elle-même qu'un jour, cette heureuse pensée se présenta à elle comme un éclair, au moment où elle achevait ses prières, et lui causa un trouble inexprimable. Elle a toujours été persuadée que ce fut une inspiration de la Providence, et cette ferme confiance la soutint dans la suite au milieu des circonstances les plus décourageantes. Jusqu'alors, l'espérance de la liberté n'était point entrée dans son cœur. Ce sentiment nouveau pour elle la remplit d'une grande joie. Elle se remit aussitôt en prière, mais ses idées étaient si confuses que, ne sachant elle-même ce qu'elle voulait demander à Dieu, elle le pria seulement de ne pas la priver du bonheur qu'elle éprouvait, et qu'elle ne savait définir. Bientôt, cependant, le projet d'aller à Saint-Pétersbourg se jeter aux pieds de l'empereur et lui demander la grâce de son père se développa dans son esprit. Il l'occupa désormais uniquement. Elle avait choisi, dans la lisière d'un bois de bouleau qui se trouvait près de la maison, une place favorite, où elle se retirait souvent pour faire ses prières. Elle fut plus exacte encore à s'y rendre dans la suite. Là, tout entière à son projet, elle venait prier Dieu avec toute la ferveur de sa jeune âme, de favoriser son voyage, et de lui donner la force et les moyens de l'exécuter. S'abandonnant à cette idée, elle s'oubliait souvent dans le bois, au point de négliger ses occupations ordinaires, ce qui lui attirait des reproches de ses parents. Elle fut longtemps avant d'oser s'ouvrir à eux au sujet de l'entreprise qu'elle méditait. Son courage l'abandonnait chaque fois qu'elle approchait de son père, pour commencer cette explication hasardeuse, dont elle prévoyait confusément le peu de succès. Cependant, lorsqu'elle se crut avoir suffisamment mûri son projet, elle détermina le jour où elle parlerait, et se proposa fermement de vaincre sa timidité. À l'époque fixée, Praskovi se rendit de bonne heure au bois pour demander à Dieu le courage de s'exprimer, et l'éloquence nécessaire pour persuader ses parents. Elle revint ensuite à la maison, résolue de parler au premier des deux qu'elle rencontrerait. Elle désirait que le hasard lui fît trouver sa mère, dont elle espérait plus de condescendance, mais en s'approchant de la maison, elle vit son père assis sur un banc près de la porte et fumant une pipe. Elle vint à lui courageusement, commença l'explication de son projet et demanda avec toute la chaleur dont elle fut capable la permission de partir pour Saint-Pétersbourg. Lorsqu'elle eut terminé son discours, son père, qui l'avait écouté sans l'interrompre et du plus grand sérieux, la prit par la main, rentrant avec elle dans la chambre où la mère apprêtait le dîner. « Ma femme, s'écria-t-il, bonne nouvelle! Nous avons trouvé un puissant protecteur. Voilà notre fille qui va partir sur l'heure pour Saint-Pétersbourg et qui veut bien se charger elle-même de parler à l'empereur. » Lopoulov raconta plaisamment ensuite tout ce que lui avait dit Praskovi. « Elle ferait mieux, répondit la mère, d'être à son ouvrage que de vous conter ses balivernes. » La jeune fille s'était armée d'avance contre la colère de ses parents, mais elle n'eut point de force contre le persiflage qui semblait anéantir toutes ses espérances. Elle se mit à pleurer amèrement. Son père, qu'un instant de gaieté avait fait sortir de son caractère, reprit bientôt toute sa sévérité. Tandis qu'il la grondait au sujet de ses larmes, sa mère attendrie l'embrassait en riant. « Allons, lui dit-elle en lui présentant un linge, commence par nettoyer la table pour le dîner. Tu pourras ensuite partir pour Saint-Pétersbourg, à ta commodité. » Cette scène était plus faite pour dégoûter Praskovi de ses projets que des reproches ou des mauvais traitements. Cependant, l'humiliation qu'elle éprouvait de se voir traitée comme une enfant se dissipa bientôt et ne la découragea point. La glace était rompue, elle revint à la charge à plusieurs reprises, et ses prières furent bientôt si fréquentes et si importunes que son père, perdant patience, la gronda sérieusement et lui défendit avec sévérité de lui parler là-dessus davantage. Sa mère, avec plus de douceur, tâcha de lui faire comprendre qu'elle était trop jeune encore pour songer à une entreprise si difficile. Depuis lors, 3 ans s'écoulèrent sans que Praskovi osât renouveler ses instances à ce sujet. Une longue maladie de sa mère la contraignit de renvoyer son projet à des temps plus favorables. Cependant, il ne se passa pas un seul jour sans qu'elle joignît à ses prières ordinaires celle d'obtenir de son père la permission de partir, bien persuadée que Dieu l'exaucerait un jour. Cet esprit religieux, cette foi vive dans une si jeune personne, doivent paraître d'autant plus extraordinaires qu'elle ne les devait point à l'éducation. Sans être irréligieux, son père ignorait peu la puissance et les consolations de la prière. Et quoique sa mère fût plus exacte à cet égard, elle manquait en général d'instruction, et Praskovi ne devait qu'à Dieu et à elle-même les sentiments qui l'animaient. Pendant ces 3 dernières années, sa raison s'était formée. Déjà, la jeune fille avait acquis plus de poids dans les conseils de la famille. Elle put, en conséquence, proposer et discuter son projet, que ses parents ne regardaient plus comme un enfantillage, mais qu'ils combattirent avec d'autant plus de force qu'elle leur était devenue plus nécessaire. Les empêchements qu'ils mettaient à son départ étaient de nature à faire impression sur son cœur. Ce n'était plus par des plaisanteries ou par des menaces qu'ils tâchaient de la dissuader, mais par des caresses et par des larmes. « Nous sommes déjà vieux, lui disait-il, nous n'avons plus ni fortune ni amis en Russie. Aurais-tu le courage d'abandonner dans ce désert des parents dont tu es l'unique consolation ?» Et cela pour entreprendre seul un voyage périlleux qui peut te conduire à ta perte et leur coûter la vie, au lieu de leur procurer la liberté. À ces raisons, Praskovi ne répondait que par des larmes. Mais sa volonté n'était point ébranlée, et chaque jour l'affermissait dans sa résolution. il se présentait une difficulté d'une autre nature, et plus réelle encore que l'opposition de son père. Elle ne pouvait partir qu'avec un passeport, sans lequel il ne lui était pas même possible de s'éloigner du village. D'autre part, il n'était guère probable que le gouvernement de Tobolsk, qui n'avait jamais répondu à ses lettres, consentît à leur accorder cette faveur. Praskovy fut donc forcé de remettre son départ à un autre temps, et toutes ses idées se portèrent sur les moyens d'obtenir un passeport. Il y avait alors dans le village un prisonnier nommé Neller, né en Russie et fils d'un tailleur allemand. Cet homme avait été pendant quelque temps domestique d'un étudiant à l'université de Moscou, et il avait tiré de cette circonstance l'avantage de passer pour un esprit fort à Ichim. Neller s'imaginait être un incrédule. Cette espèce de folie, jointe au métier plus utile de tailleur qu'il possédait, l'avait fait connaître des habitants et des prisonniers, dont les uns lui faisaient raccommoder leurs habits et dont les autres s'amusaient de ses impertinences. Au nombre de ces derniers était le Poulov, chez lequel il venait quelquefois. Neller connaissait l'esprit religieux de la jeune personne, la persiflait au sujet de sa dévotion et l'appelait sainte Praskovy. Celle-ci, le croyant plus habile qu'il n'était, projetait de s'adresser à lui pour en obtenir la supplique qu'elle voulait adresser au gouverneur, dans l'espoir que son père, n'ayant plus qu'à la signer, s'y déciderait plus facilement. Elle venait un jour d'achever son blanchissage à la rivière et se disposait à retourner au logis. Avant de partir, elle fit, à son ordinaire, plusieurs signes de croix et se chargea péniblement de son linge mouillé. Neller, qui passait par là, la vit et se moqua d'elle. « Si vous aviez fait quelques-unes de ces simagrées de plus, vous auriez fait un miracle, et votre linge serait allé tout seul à la maison. »« Donnez, ajouta-t-il en s'emparant de force du fardeau, je vous ferai voir que les incrédules que vous haïssez si fort sont aussi de bonnes gens. » Il prit en effet la corbeille et la porta jusqu'au village. Chemin faisant, Praskovy, qui n'avait qu'un désir, celui d'obtenir un passeport, lui parla de la supplique et du service important qu'elle attendait de lui. Malheureusement, le philosophe ne savait pas écrire. Il avoua que depuis l'instant où il s'était voué à l'état de tailleur, il avait totalement négligé la littérature. Mais il lui indiqua dans le village un homme qui pourrait remplir son attente. Praskovy revint toute joyeuse, se proposant de mettre à profit le conseil dès le lendemain. En rentrant chez son père, où se trouvaient quelques personnes, Neller se vanta hautement du service qu'il avait rendu à sainte Praskovy en lui épargnant la peine de faire un miracle, et fit d'autres mauvaises plaisanteries de ce genre. Mais il fut bientôt déconcerté par la réponse de la jeune fille. « Comment pourrais-je, lui dit-elle, ne pas mettre toute ma confiance dans la bonté de Dieu? Je ne l'ai prié qu'un instant au bord de la rivière, et si mon linge n'est pas venu seul, il est du moins venu sans moi, et porté par un incrédule. Ainsi le miracle a eu lieu, et j'en ne demande pas d'autre à la Providence. » À cette réponse, toute la société se mit à rire aux dépens du tailleur, qui se retira très piqué de l'aventure. On verra dans la suite plusieurs exemples de cette aimable présence d'esprit qui ne l'abandonna jamais dans les circonstances les plus embarrassantes. Le lendemain, elle s'empara de consulter l'homme qu'on lui avait indiqué. Elle apprit de lui que la supplique devait être signée par elle-même. L'écrivain se chargea de l'adresser dans les formes requises, et lorsqu'elle fut achevée, Lopoulov, après quelques résistances, consentit à ce qu'elle fût expédiée et profita de l'occasion pour y joindre une nouvelle lettre relative à ses affaires personnelles. Dès ce moment, les inquiétudes de la jeune personne disparurent. Sa santé se raffermit et ses parents furent charmés de lui voir reprendre sa gaieté naturelle. Cet heureux changement n'avait pas d'autre cause que la certitude où elle était d'obtenir son passeport et sa confiance sans borne en la protection de Dieu. Elle allait souvent se promener sur le chemin de Tobolsk dans l'espérance de voir arriver quelques courriers. Elle passait devant la station de la poste aux chevaux pour parler au vieil invalide qui en avait la direction et qui distribuait le peu de lettres adressées à Ichim. Mais depuis longtemps, elle n'osait lui en demander parce qu'il lui avait parlé avec brusquerie et s'était moqué de son projet de voyage qu'il connaissait. 6 mois s'étaient presque écoulés depuis le départ de la supplique lorsqu'on vint avertir la famille qu'un courrier était à la poste avec des lettres pour quelques personnes. Praskovy y courut aussitôt et fut suivi de ses parents. Lorsque Lopoulov se nomma, le courrier lui remit un paquet cacheté, contenant un passeport pour sa fille, et prit un reçu de lui. Ce fut un moment de joie pour la famille. Dans l'abandon total où ils étaient depuis tant d'années, l'envoi de ce passeport lui parut une espèce de faveur. Cependant, il n'y avait dans le paquet aucune réponse du gouverneur aux demandes personnelles de Lopoulov. Pour sa fille, elle était libre, et l'on ne pouvait, sans la plus grande injustice, la retenir en Sibérie contre sa volonté. Le silence absolu que l'on gardait avec son père était plutôt une confirmation de sa disgrâce qu'une faveur. Cette réflexion dissipa bientôt l'impression de plaisir que lui avait fait éprouver la condescendance du gouvernement. Lopoulov s'empara du passeport et déclara dans le premier moment d'humeur qu'il n'avait consenti à le demander que dans la certitude qu'on le lui refuserait, et pour se délivrer des persécutions de sa fille. Praskovi suivit ses parents à la maison sans rien demander, mais rempli d'espoir et remerciant Dieu le long du chemin d'avoir exaucé l'un de ses vœux. Son père serra le passeport parmi ses hardes après l'avoir enveloppé soigneusement dans un morceau de linge. Praskovi remarqua cette précaution qui lui parut de bon augure, car il aurait pu le déchirer. Elle n'attribua le refus de son père qu'à un dessein particulier de la Providence, qui n'avait pas encore marqué l'heure de son départ. Bientôt après, elle se rendit au bois, où elle se pressa 2 heures à prier, se livrant à toute la joie que son ardente imagination lui inspirait, et n'ayant plus aucun doute sur le succès de son entreprise. Ces détails pourront paraître à quelques personnes puérils et minutieux. Mais lorsqu'on verra les projets de cette jeune fille réussir au-delà de ses espérances et de toute probabilité, malgré les obstacles sans nombre qu'elle avait à surmonter, on se convaincra qu'aucun motif humain n'aurait suffi pour la conduire au but qu'elle se proposait, et qu'il fallait pour une telle œuvre cette foi qui transporte les montagnes. Dans tout ce qui lui arrivait, Praskovi voyait toujours le doigt de Dieu. Aussi, disait-elle, j'ai été quelquefois éprouvée, mais jamais trompée dans ma confiance en lui. Un incident qui eut lieu peu de temps après vint encore ranimer son courage et contribua peut-être à déterminer ses parents. Sa mère, sans être absolument superstitieuse, s'amusait parfois à chercher des pronostics de l'avenir dans les plus petits événements de la vie. Sans croire aux jours malheureux, elle évitait cependant d'entreprendre quelque chose le lundi. En effet, en Russie, le lundi passe pour un jour malheureux parmi le peuple et les personnes superstitieuses. La répugnance pour entreprendre quelque chose. Mais surtout un voyage le lundi est si universel que le très petit nombre de personnes qui ne la partagent pas s'y soumettent par égard pour l'opinion générale et presque religieuse des Russes. Donc, sans croire au jour malheureux, elle évitait cependant d'entreprendre quelque chose le lundi et n'aimait point avoir renversé la salière. Quelquefois, elle prenait la Bible et l'ouvrant au hasard, elle cherchait dans la première phrase qui lui tombait sous les yeux quelque chose d'analogue à sa situation et dont elle put tirer un bon augure. Cette manière de consulter le sort est très usitée en Russie. Lorsque la phrase est insignifiante, on recommence, et en tiraillant un peu le sens, on finit par lui donner la tournure qu'on désire. Les malheureux s'attachent à tout, et sans ajouter beaucoup de foi à ces prédictions, ils éprouvent un certain plaisir lorsqu'elles s'accordent avec leurs espérances. Lopoulov était dans l'usage de lire le soir un chapitre de la Bible à sa famille. Il expliquait aux femmes les mots slavons qu'elles ne comprenaient pas. Et cette occupation plaisait infiniment à sa fille. À la fin d'une triste soirée, ces 3 solitaires étaient auprès d'une table sur laquelle était le livre saint. La lecture était achevée et le plus morne silence régnait entre eux. Lorsque Praskovi, s'adressant à sa mère, sans autre but que celui de renouer la conversation, « Ouvrez, je vous prie, la Bible, lui dit, et cherchez dans la page à droite, la 11e ligne. » Sa mère prit le livre avec empressement et l'ouvrit avec une épingle. Ensuite, comptant les lignes jusqu'à la 11e à droite, elle lut à haute voix les paroles suivantes. « Or un ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit, « Que faites-vous là? Ne craignez point. » L'application de ce passage de l'Écriture sainte était trop facile à faire pour que l'analogie frappante qu'il présentait avec le voyage projeté pût échapper à personne. Praskovi, transporté de joie, prit la Bible et en baisa les pages à plusieurs reprises. « C'est vraiment singulier, disait la mère en regardant son mari. » Mais celui-ci, ne voulant pas favoriser leurs idées à ce sujet, s'éleva fortement contre ces ridicules divinations. « Croyez-vous, disait-il aux 2 femmes, que l'on puisse ainsi interroger Dieu en ouvrant un livre avec une épingle, et qu'il daigne répondre à vos folles pensées ?»« Sans doute, ajouta-t-il en s'adressant à sa fille, un ange ne manquera pas de vous accompagner dans votre extravagant voyage, et de vous donner à boire quand vous aurez soif. Ne sentez-vous pas quelle est la folie de s'abandonner à de semblables espérances ?» Praskovi lui répondit qu'elle était bien loin d'espérer qu'un ange lui apparût pour l'aider dans son entreprise. « Mais cependant, disait-elle, j'espère et crois fermement que mon ange gardien ne m'abandonnera pas, et que mon voyage aura lieu quand je m'y opposerai moi-même. » Lopoulov était ébranlé par cette persévérance inconcevable. Cependant, un mois s'écoula sans qu'il fût question du départ. Praskovi devenait silencieuse et préoccupée. Toujours seule dans les bois ou dans son réduit, elle ne donnait plus aucune marque de tendresse à ses parents. Comme elle avait souvent menacé de partir, en Sibérie, sans passeport, ils commencèrent à craindre sérieusement qu'elle n'accomplisse ce projet. Et ils prenaient de l'inquiétude lorsqu'elle s'absentait de la maison plus longtemps qu'à l'ordinaire. Il arriva même un jour qu'ils la crurent décidément partie. Praskovi, en revenant de l'église où elle était allée seule, avait accompagné de jeunes paysannes dans une chaumière voisine et s'y était arrêtée quelques heures. Lorsqu'elle revint à la maison, sa mère l'embrassa tout en larmes. « Tu as bien tardé, lui dit-elle. Nous avons cru que tu nous avais quittés pour toujours. »« Vous aurez bientôt ce chagrin, lui répondit sa fille. Puisque vous ne voulez pas me livrer le passeport, vous regretterez alors de m'avoir privé de cette ressource et de votre bénédiction. » Elle prononça ces paroles sans répondre aux caresses de sa mère et d'un ton de voix si triste, si altéré, que la bonne mère en fut vivement affectée. Elle lui promit, pour la tranquilliser, de ne plus mettre d'opposition à son départ, qui dépendrait uniquement de la permission de son père. Praskovi ne la demandait plus. Mais sa profonde tristesse la sollicitait plus éloquemment que n'avaient pu le faire les supplications les plus vives. Lopoulov lui-même ne savait à quoi se résoudre.